Hermanos y hermanas de Asia, de África, Oceanía, Europa y América. Bienvenidos a las montañas del sudeste mexicano. La jungle des luttes. Eh bien, merci d'être avec nous. On est ensemble jusqu'à 20h30, comme tous les troisièmes lundis du mois. Ouais, c'est l'heure redirect, ça faisait longtemps. Et donc, bah, merci Véro pour la technique. Yes, et merci Lucien pour la coopération. Merci à FPP pour nous accueillir toujours. Et donc, on est aussi retransmis pour ceux qui ne peuvent pas nous écouter ou qui veulent nous réécouter, retransmis le quatrième jeudi de 8h à 9h30, donc en matinée pour le coup. Eh bien, donc voilà, c'est une émission La Jungle des Luttes proposée par le Comité de solidarité avec les peuples du Chiapas en lutte. Donc, Jungle des Luttes, l'idée, c'est un peu de donner l'espace à des luttes. Évidemment, ce n'est pas exhaustif, il y a tellement de luttes et de résistances un peu partout. C'est aussi au gré de nos rencontres, au gré un peu de l'actualité. Donc, actuellement, on a une nouvelle guerre. On en avait déjà beaucoup, on en connaît beaucoup dans le monde. Donc là, il y a une nouvelle guerre qui est en train de s'installer là. Donc c'est la guerre en Ukraine dont on parle beaucoup, évidemment. Et donc on a des copines du comité russophone contre la guerre qui vont commencer l'émission avec nous. Ensuite, on parlera des guerres qu'il y a aussi ici au quotidien et qui font partie du racisme d'État, de la violence, de la répression, de la discrimination. Et donc, notamment, on fera référence à samedi, la marche qui a eu lieu donc samedi 19 mars. Et ensuite, on passera sur d'autres guerres, hein, la guerre pour l'eau et donc les résistances pour défendre la terre, l'eau, le ciel et tout ce qui nous appartient à nous, les humains. Et donc, on sera ici entre la France, le Mexique, puisqu'on sait que y a des groupes comme Danone, Bonafont, et puis de toute façon, il y a encore des projets, des méga projets dans tous les sens qu'implique EDF, etc. On a eu l'occasion d'en parler. On va essayer de vous parler de tout ça en deuxième partie d'émission. Merci à vous. On fait juste une petite pause musicale pour se mettre dans le vif du sujet. Et donc, merci la jungle des luttes 106.3 FPP. On y va, musique. À tout de suite. Scalpel con MC Luca. Yo. Tira Emiliano. Tira Emiliano, tira, tira. Pour dire les choses clairement, je te dirais premièrement que quoi qu'il arrive, j'ai déjà réussi. Demande à mes parents s'ils sont fiers de leur fils. Les Sud-Américains comme un virus dans le rap français. Du rap de fils d'immigrés latinos prêts pour tout défoncer. Les gènes du combat dans le sang, rien à foutre de faire danser les gens. Sur ce projet, argentin, colombien, uruguayen, chilien, péruvien, mexicain. Une seule race métisse, noir, blanc, indien. Autonome comme les FARC, urbain comme les Tupamaros. Indépendant comme le ZLN, les MRTA et Tac. Claro, je dédie chaque crime, chaque goutte de sang, chaque larme versée sur le papier à tous les combattants des guérillas sud-américaines enfermés pour leurs idées. À la mémoire de tous les disparus, sachez fièrement que les fils ne savouront jamais vaincus. Latinos unidos, ramasera vencidos. Libertad o muerte pa mi gente. América Latina, el continente, continente. Continente americano, continente europeo. Distrito Federal, París, Montevideo. Gente sembrada con semilla al suelo. Micrófonos abiertos hablando por el pueblo. You don't know nothing about raza. It's people out there working, surviving with pride and dignity. The raza, homes. Vengo de la tierra donde crecen los nopales. Guerreros que peleaban en pieles de jaguares. La raza de bronce, unida por naciones. Casta de campeones. por generaciones, uniendo a los pueblos con los campesinos, haciéndote entender que somos un chingo. Unos viven dentro, con familia afuera, unos nacen fuera y añoran a su tierra. Otros venden alma para los papeles, juntar esos billetes, mandarlo pa' su gente. Somos una voz, micrófono y el cable, somos el sonido de la esquina de la calle. Latinos unidos, queriendo armarla, son las iniciales que pinto en mi cuadra. Y siempre que yo pienso en revolución, empiezo yo matando mi televisor. Latinos unidos, jamás serán vencidos. Libertad o muerte pa' mi gente. América Latina, el continente, continente. Continente americano, continente europeo, Distrito Federal, París, Montevideo. Gente sembrada con semilla al suelo, micrófonos abiertos hablando por el pueblo. Latinos unidos, jamás serán vencidos. Libertad o muerte pa' mi gente. América Latina, el continente, continente. Continente americano, continente europeo, Distrito Federal, París, Montevideo. Gente sembrada con semilla al suelo, micrófonos abiertos hablando por el pueblo. Pépé, la jungle des luttes. Et bien donc, voilà, comme tous les troisièmes lundis du mois, avec le CSPCL, donc on se propose de vous partager un espace avec des gens qui luttent et qui résistent. On a récemment parlé justement de ce voyage pour la vie avec que les apatistes ont initié et auquel on est nombreux à participer. Et donc, voilà, il y a justement les apatistes qui sont attentifs à tout ce qui se passe dans le monde et qui ont été les premiers à nous alerter depuis 1994, ça fait déjà très longtemps, justement après la chute du bloc de l'Est. Et quand plus le capitalisme n'était plus la seule voie possible et imaginable, et donc qui nous appelait à justement construire une alternative au capitalisme. Et depuis, voilà, on chemine, et le temps passe, et on résiste énormément. Et voilà, du coup, les apatistes, justement, partagent leurs inquiétudes avec nous régulièrement. Et justement, on va pouvoir partager avec vous les dernières paroles. Oui, on voulait vous lire des extraits du dernier communiqué des apatistes qui date du 2 mars 2022 et qui s'intitule « Il n'y aura pas de paysage après la bataille », à propos donc de l'invasion de l'armée russe en Ukraine. Du coup, voilà, on va vous lire des petits passages. Donc, premièrement, il y a une force qui agresse, l'armée russe. Il y a en jeu des intérêts du grand capital, des deux côtés. Ceux qui souffrent maintenant des délires des uns et des calculs économiques sournois des autres, ce sont les peuples de Russie et d'Ukraine. Et peut-être bientôt ceux d'autres géographies proches ou lointaines. En tant que zapatistes que nous sommes, nous ne soutenons ni l'un ni l'autre des États, mais celles et ceux qui luttent pour la vie et contre le système. Et du coup, là, on fait une petite pause dans le communiqué et on revient avec un autre extrait un peu plus tard. Ils nous disent « Après plusieurs tentatives, la commission Sexta Zapatiste a réussi à entrer en contact avec nos proches en résistance et en rébellion dans les géographies qu'on appelle la Russie et l'Ukraine. » Et en résumé, nos proches, qui de plus brandissent le drapeau du A libertaire, restent fermes. En résistance, celles et ceux qui se trouvent dans le Donbass, en Ukraine. Et en rébellion, celles et ceux qui cheminent et travaillent dans les rues et les champs de Russie. Il y a des personnes arrêtées et battues en Russie pour protester contre la guerre. Il y a des personnes assassinées en Ukraine par l'armée russe. Ce qui les unit entre elles, et elles à nous, c'est non seulement le non à la guerre, mais aussi le refus de s'aligner avec des gouvernements qui oppriment leur peuple. Au milieu de la confusion et du chaos qui règne des deux côtés, ils restent fermes dans leurs convictions, leur lutte pour la liberté, leur refus des frontières et des États-nations, et les oppressions respectives qui seulement changent de drapeau. Notre devoir est de les soutenir dans la mesure de nos capacités. Et un peu plus loin, ils disent « Par conséquent, nous appelons la Sexta nationale et internationale, qui ne l'a pas encore fait, à manifester selon ses calendriers, ses géographies et à sa manière, contre la guerre et en soutien aux Ukrainiens et Ukrainiennes et aux Russes, qui se battent dans leur géographie pour un monde de liberté. » Et ils finissent par dire sans hésitation, nous crions et appelons à crier et à exiger « Armée russe hors d'Ukraine ». Voilà, et du coup, suite à ce communiqué et à cet appel, les apatistes se sont mobilisés du coup le dimanche 13 mars. Et on a vu, et vous pouvez aller voir sur lundi matin, il y a un article assez chouette avec pas mal de photos, mais on a vu qu'il y a eu une mobilisation massive, assez historique, à vrai dire, depuis un petit moment, et on n'avait pas vu ça, mais donc le 13 mars dernier, les apatistes, dans leur caracol, sont sortis, donc, et donc dans les municipalités de San Cristobal, Aya Jaron, Palenque, Ocosingo, Las Margaritas, Altamirano, et c'était assez impressionnant. Et nous, ici, à notre mesure, on a fait des petites actions symboliques aussi, mais clairement sans commune mesure avec LE. Et du coup, on appelle à ce que ça puisse continuer. Voilà, bah, du coup, puisque il faut aussi essayer de donner la parole, justement, parce qu'on n'a pas réussi à faire de grandes manifs. Bon, on essaie de donner la place, justement, à des personnes qui, à leur façon, résistent ou, en tous les cas, militent contre la guerre. Et donc, justement... Il y a Anna et Dounia qui sont avec nous du comité russophone contre la guerre. Donc on leur laisse la parole pour nous raconter ce qu'elles ont à nous raconter. En fait, c'est un petit peu l'idée de leur laisser cet espace. Et on va essayer de rebondir si on a des questions. Mais c'est surtout à vous de nous raconter ce que vous souhaitez partager. Merci d'être là déjà, tout d'abord. Merci à vous. Merci, bonsoir. Merci beaucoup de nous avoir invités. Ça compte franchement beaucoup pour nous de voir un endroit ou d'espace où on peut parler de ces choses qui sont très importantes, même enfin, aujourd'hui surtout, mais enfin, qui vraiment comptent beaucoup pour nous. Et premièrement, je veux dire que notre comité, ce n'est pas vraiment une groupe ou une association, pas encore. On est plutôt des gens qui viennent de se rencontrer. Quelqu'une d'entre nous sont déjà des potes, des amis depuis plusieurs années, mais sinon il y a beaucoup de gens avec qui on vient de se rencontrer, et on a ressenti une urgence de faire quelque chose, au moins d'essayer de parler, de partager l'information à propos de tout ce qui se passe en Russie, en Ukraine et dans des pays d'où on vient. Du coup, nous sommes plutôt des étudiants russes, mais aussi quelqu'un entre nous, ce sont des réfugiés politiques qui ont dû quitter le pays à cause des tortures qu'ils ont subies, à cause de la violence policière. Et voilà. Oui, donc nous sommes plutôt des gens avec un intérêt partagé pour aider au peuple ukrainien et ouais, de se mobiliser, de faire quelque chose. De résister, même si on n'est pas en Russie. Et on a voulu parler un peu de la résistance quand même qui se passe en Russie pour le moment. Oui, de tout le contexte, parce que bien sûr que c'est une guerre, mais ce n'est pas une guerre entre les deux pays, et même pas une guerre, je dirais, entre deux gouvernements. C'est une lutte pour la liberté du peuple ukrainien et contre l'armée russe et Poutine et son gouvernement. Et je me sens pas... Parfois, je ne me sens pas très légitime de parler de tout ce qui se passe en Russie, parce que je sais qu'avoir peur de la violence policière ou de risquer d'aller en prison, ce n'est pas la même chose que d'avoir peur d'être tué par une bombe, tout ce qui arrive aujourd'hui au peuple ukrainien. Mais quand même, je trouve que c'est un peu un combat contre le même mal qui est la dictature de Poutine. Et ce combat est mené par le peuple russe pendant plusieurs années, et avec des années ça devient de plus en plus compliqué. Et d'un côté, je sais qu'il y a de plus en plus de gens qui ressentent cette urgence, qui sortent dans les rues, qui vont manifester et qui soutiennent des médias indépendants, mais de l'autre côté le gouvernement essaye vraiment d'éliminer toutes les tentatives de résistance. Et concernant les médias, pendant les dernières trois ans, presque tous les médias alternatifs qui on avait un regard opposé au gouvernement et un discours critique, on était interdits et ils ne peuvent plus recevoir ni financement, ni si on parle des radios, ils ne peuvent plus être diffusés, leurs sites internet sont bloqués et les gens qui ont participé dans la création de toutes ces initiatives sont soit emprisonnés, soit ont dû quitter le pays et continuer à combattre dehors la Russie. Ouais, et la communication, ça a été justement quand la guerre a commencé, parce qu'il y avait une loi qui donne maintenant jusqu'à 15 années pour des fausses nouvelles, des soi-disant fake news, mais en réalité, ça, c'est la vérité, dont les médias qui supportent Poutine et tout ne partagent pas. Et oui, et cette vérité, maintenant, c'est complètement étouffée. Et beaucoup de médias, ils étaient obligés de fermer. Ou bien ils étaient fermés par le Roskomnadzor, qui est comme la police russe, mais qui travaille sur Internet, sur quelques médias. Donc, soit ils étaient fermés, soit ils étaient obligés de quitter le pays. Et donc, maintenant, la résistance aux médias est presque arrêtée. Et il y a quelques médias comme Nova Gazeta qui continuent de parler à propos de la guerre, mais la chose la plus absurde, qu'elles parlent à propos de la guerre sans évoquer ce mot guerre, parce que ce mot, justement, c'est interdit. Ouais. Et oui. La version officielle, ça s'appelle. Je suis désolée, j'ai oublié la suite. Non, même pas invasion. L'opération spéciale de l'armée russe, ouais, pour la libération du peuple ukrainien. Mmh. Parce que selon Poutine, ce que l'armée russe est en train de faire, c'est de libérer le peuple ukrainien de néo-nazis. Voilà, sauf que, bien sûr, que les associations, les groupes néo-nazis existent en Ukraine, comme partout dans le monde, sauf que ça influence presque pas du tout la politique de l'État. Après, ou en tous les cas, quand bien même ils influenceraient, c'est pas aux Russes de décider de ce qui doit se passer sur les groupes néo-nazis en Ukraine, en fait, parce que du coup, je pense que c'est... Tout à fait. Parce que je pense qu'ils ont quand même une influence... Mais par contre, ça regarde les Ukrainiens. Oui. Enfin, aussi. Oui, bien sûr. Et en plus, le discours de commencer la guerre pour éviter la guerre, c'est un peu absurde. Ouais. Comme aussi la loi qu'on n'a pas le droit d'utiliser le mot guerre en parlant de la guerre. Et en plus, concernant le néo-nazis, je trouve que l'influence de l'extrême droite sur la politique du gouvernement russe est même beaucoup plus signifiante qu'en Ukraine. Oui, c'est vrai. En fait, à Donbass, il y avait des troupes d'extrême droite. C'était plutôt des troupes de bénévoles. Mais en tout cas, ils étaient liés avec le gouvernement russe et ils étaient financés par le gouvernement russe. Et du coup, c'était aussi des groupes d'extrême droite qui faisaient la guerre à Donbass. Et donc, oui, ça, c'est contradictoire. Parce qu'on essaie de libérer le peuple ukrainien de néo-nazis, alors que dans notre propre pays, il y a beaucoup de groupes néo-nazis. Ouais. Et si on parle de la résistance, quand même, il y a beaucoup de médias qui ont continué à essayer d'écrire quelque chose. Par exemple, il y a le média assez libre d'Oxa, où c'était un média étudiant. avant, mais maintenant c'est plutôt autonome, donc ça ne dépend pas de quelle université. Et eux, ils ont créé une sorte d'alternative, comme parce que Facebook, Instagram, tous les réseaux sociaux maintenant aussi sont bloqués en Russie. Et pour les utiliser, il faut utiliser VPN. Mais maintenant, beaucoup de VPN sont aussi bloqués. Donc, ça commence d'être de plus en plus difficile. Et donc ça, ils ont fait, ils ont décidé de faire une correspondance contre la guerre qui se passe par mail. Donc ça, des petits résumés, ils sont envoyés chaque jour avec des circonstances clés du jour. Et comme le mail, c'est pas la première, c'est pas la première place pour bloquer. C'est pas trop évident pour le gouvernement russe, parce que il faut bloquer des mails aussi. Ça se passe comme ça pour le moment, comme une alternative pour s'informer un peu, même si toutes les autres choses sont bloquées. Voilà. Après, il y a des groupes locaux, comme par exemple, il y a le groupe de résistance féministe contre la guerre. Et c'était créé par des activistes féministes les plus connus en Russie. Et ils font aussi des protestes locaux, locales. Donc voilà. On fait une petite pause musicale et on vous retrouve. À tout de suite, FPP 106.3, la jungle des luttes. Azúcar, trigo, comiendo poco, los ricos chales y postureo, 30 millos, ni sin techo, expropiación, liberación, unos cheques, otros memes, la cosa es tener, memoria de pez, final de mes, nada tenés, ¿qué vas a hacer? Quemen las calles, gangstas legales, compran la muerte, el sexo y las leyes deciden callarte, abre la mente, más no obedeces, aunque venga la policía, libertarios con la fuerza. Son estos que están en la puerta. Yo me los he cruzado y pensaba que eran de las nuestras. Cochachos, iban todos vestidos con ropita negra y eran antiocupas, matones de empresa. Me han dicho que esto es propiedad privada, que recoja lo mío, me tengo que largar. Con el piso pata y las colegas armas, con la pata de cabra pa' volver a entrar. Adenróllate y márcate una de tus tiempos jóvenes. ¿Qué o qué? Uturnaré más fe otra vez. ¿Violen qué? Dígame, pinga la radial en cara que da temps. Kiri, kiri, kiri, kiri, kiri, go home. Ratatatata. Ta-ta-ta, fuck that. Nena, ojo como suena la cadena. Vienen los maderos por la casa, te la juegas. Y esa, mira la promesa a la alcaldesa. Necesito un techo, pero al mundo se la pela. Sea pa' poner un colchón, sea por un caserón, sea por un ceseo. Resiste. Hoy soy de hip hop, de hip. Camino con el hype del fancy del hipster. Agarrando su bong, se abre el long al cannabis club. Roba lechí de gentrificación. Mis niños también en el cole, mi curro, mi gente, mi estabilidad. Bancos, empresas, turistas que doblan el precio, que dan la pata. Una vida en el barrio, suben los contratos, no puedo pagar y me quieren echar. Mira qué casa más linda que está especulada y la voy a ocupar. Flecha, mira cómo encaja por la brecha. El hombre del puro, una pura, encende la mecha. Sobran los billetes y los guiris quieren fiesta. Todo por el business, fuera lo que molesta. Y esa gentuza que mira, cada uno es libre de hacer su movida. Yo me he ganado mi vida, si no te fuerza no sube pa' arriba. Y esa gentuza que mira. La la la la la. Nena, ojo como suena la cadena. Vienen los maderos por la casa, te la juegas. Y esa, mira la promesa a la alcaldesa. Necesito un techo, pero al mundo se la pela. Sea pa' poner un colchón, sea por un caserón, sea por. Nena, ojo como suena la cadena. Piensa, mira la promesa a la alcaldesa. Sea pa' poner un colchón, sea por un ceseo. La, la, la, la, la, la. Nena, ojo como suena la cadena. Piensa, mira la promesa a la alcaldesa. .3 La Jungle des Luttes, on continue. Et donc, on était avec Anna et Dounia du comité russophone contre la guerre. Et donc, elle nous parlait de la mobilisation des femmes. Oui, justement, sur la mobilisation des femmes, nous, au 8 mars aussi, même en France, on voyait que c'était un des mots d'ordre, quoi, aussi. Voilà, toutes les féministes contre les guerres capitalistes et patriarcales, dont celle en Ukraine. Du coup, voilà, je ne sais pas si vous vouliez un petit peu élaborer là-dessus. Sur le groupe des femmes, les manifestations qu'il y a eu justement, on en parlait juste avant la coupure musicale. Justement, concernant le 8 mars, il y avait une initiative que moi personnellement j'ai trouvé très belle. Et justement, Anya, elle vient de parler d'un média qui s'appelle Doxa, un média étudiant, et je voulais aussi mentionner que pendant, ça fait 2 ans, que des membres de ce média, c'est des étudiants et étudiantes de 18-19 ans qui ont passé 2-3 ans à domicile, ça s'appelle les assignés à domicile. Juste pour avoir publié quelques articles contre le gouvernement. Et il y avait pas mal de femmes. Et voilà, et c'est eux aussi qui ont participé dans la création de cette initiative. Et ça consiste en fait qu'ils ont invité des femmes de sortir le 8 mars en noir, à 19h dans les rues, avec des feuilles blanches pour montrer leur résistance et aussi la solidarité avec des femmes ukrainiennes qui étaient tuées pendant la guerre, et aussi ce cas pénal des rédactrices et rédacteurs de Doxa. Il est en train de se dérouler, et le résultat de condamnation, ça sera dans quelques jours, le jeudi, si je ne me trompe pas. On va voir ce soit quoi la condamnation, mais en gros, ils ont bien sûr que ils ont rien fait, et depuis un an ils sont arrêtés. Mais oui, j'espère que ça va finir pas mal, même si j'ai pas beaucoup d'espoir. C'est un peu compliqué avec l'espoir, surtout aujourd'hui. Et voilà, je voulais aussi dire concernant les résistances, les manifestations, il y a 15 000 personnes qui ont été arrêtées après le début de la guerre en Russie, des personnes qui ont sorti pour manifester. Aussi, il y a des histoires assez absurdes qu'on arrête des gens qui sortent juste avec des feuilles blanches ou des feuilles, des affiches où c'est écrit je risque d'être arrêté pour cette affiche. Il y a plein de vidéos sur Internet. Ouais, et il y avait même une histoire même plus absurde sur la place Rouge. Deux femmes sont arrêtées. La première, elle a dit je suis contre Poutine, et la deuxième s'approche et elle dit moi par contre je suis pour Poutine, je soutiens l'opération, et elle est aussi arrêtée. Donc quoi que se passe, les gens sont arrêtés s'il se passe sur la place Rouge, surtout au centre de la ville, parce que au centre tout doit être calme, aucun proteste est autorisé. Mais moi personnellement, J'ai noté un effet assez intéressant, assez de gauche, si on peut dire comme ça, que le protest montant en Russie, c'est assez horizontal, parce que le protest, ça s'organise volontairement. Les gens viennent et commencent à protester contre la guerre. Il n'y a aucune organisation qui dit, voilà, vous sortez dans la rue, parce que tous les opposés au Poutine sont arrêtés. Tous les politiques comme Navalny, Nemtsov est tué il y a longtemps. Navalny est à la prison. Donc il n'y a vraiment personne pour... mener et emprisonner. Donc au moins il y a un espace de liberté possible quand même. Ouais. Ça donne l'espoir. C'est vrai. Pour rebondir sur le manque d'espoir. Ou du moins, ça fait émerger du coup, fait, des mouvements spontanés. Et comme ça, c'est spontané. Et comme ça, c'est spontané, vraiment, les flics, la police ne peuvent pas toujours prévoir où ça va se passer. Et comme ça, les gens, des fois, ils ont réussi de faire des protestes, même si vraiment tout est interdit et il y a des grands amants pour les protestes. Et même, il y avait une loi, je ne sais pas est-ce que c'était prise ou pas, je ne pense pas encore. Mais en tout cas, dans ce cas, ils étaient dit que ce serait jusqu'à 6 ans de prison juste pour le protest libre. Donc voilà, ça devient de plus en plus violent. Mais quand même, il y a aussi la résistance qui se passe dehors du pays, parce qu'il y a beaucoup de protestes en Géorgie, en Arménie, où il y a beaucoup de gens russes qui sont quittés la Russie à cause des oppressions politiques, justement. Et il y a beaucoup de journalistes, des artistes, des activistes, parce qu'ils sont en danger maintenant en Russie. Voilà. Oui, mais même le peuple civil, si je peux dire comme ça. J'ai beaucoup d'amis à Moscou, à Saint-Pétersbourg plutôt, ce sont ces gens-là qui, pendant des années, je crois, pendant les dernières 5 ans, c'est sûr, parce que notre génération, c'est la génération qui était née avec Poutine. Moi, j'ai vécu qu'une seule année de ma vie. Saint-Poutine. C'est un peu dingue quand même. Et on parle aussi beaucoup dernièrement d'une responsabilité commune en Russie, parce que je crois que tout le peuple russe se sent quand même coupable ou responsable de cette situation, de la guerre, parce que c'est notre pays qui est l'agresseur et on ne peut pas nier ça. Mais en même temps, je trouve que parce que j'étais trop dans le mal pendant les deux premières semaines de la guerre, et je me sentais très impuissante et coupable de n'avoir fait assez pour que ces choses-là n'arrivent pas. Mais ensuite, j'ai compris que, premièrement, le sentiment de culpabilité, il ne t'aide pas. Oui, il ne t'aide pas. Parce que la seule chose, enfin, il faut faire la moindre chose que tu peux faire, au moins en parler. Et même si je me sens privilégiée d'être là et pas en Russie en ce moment, il faut que je utilise mes privilèges. Voilà. Et du coup, je pense que notre génération, quand même, on est un peu moins coupable, vu qu'on est avec ce président, et quand même, on essaye de manifester, de combattre. Mais c'est un peu... Enfin, c'est très triste, mais quand même, la majorité des gens que je connais ont dû partir à cause... De la répression. Des répressions et de peur d'être emprisonnés. Okay. Et ça, c'est un peu... C'est lié, en même temps, avec la question de l'impérialisme russe, parce que ces gens-là qui partent, ils partent plutôt en un pays proche, comme Arménie et Géorgie. Et vu que ces pays-là ont pas, enfin, des relations avec la Russie sont un peu compliquées, surtout les dernières années, parfois j'ai l'impression que c'est un peu respectueux à travers les peuples géorgiens et arméniens de venir comme ça, s'installer comme chez eux, enfin, bien sûr que ils partent pas juste pour protéger. Oui, ils partent parce qu'ils ont peur, mais en même temps, il faut rester quand même. Enfin, il faut se rappeler que on n'est pas chez nous et il faut respecter des gens chez qui on vient. Voilà, parce que ça causait beaucoup de changements. Des conflits. Pas des conflits même, mais le prix de loyer, par exemple, en Tbilissi, ils ont augmenté. Parce qu'il y a un niveau de vie plus important en Russie qu'en Biélorussie. Oui, du coup, vu qu'il y a beaucoup. Un intérêt à. Ouais. Ouais, les propres essaient de juste de se profiter un peu de la situation parce que beaucoup, il y a beaucoup de gens qui viennent, mais les gens locaux, du coup, ils sont souffert à cause de cette situation parce que, par exemple, il y a aussi des médias russes libres qui publient des témoignages des étudiants, des gens qui louaient un hébergement en Arménie, par exemple. Et il y avait des gens russes qui sont venus et les propriétaires juste disent que vous devez partir parce qu'il y a quelqu'un qui va payer plus que vous. Et donc, comme ça, beaucoup de gens ont perdu son logement. Et ouais, ça, c'est pas... Ça, c'est les difficultés ouais. Qui secondaires. Là, que... Ouais, absolument. Et surtout, en Géorgie, il y a beaucoup de tensions, en fait, par rapport aux gens russes, parce qu'ils pensent qu'ils sont, comme Dunia a dit, chez eux. Et il essaie de trouver un travail sans connaître la langue locale, par exemple. Et du coup, les Georgiens, ils ont une histoire assez difficile à cause de la guerre en Géorgie. La situation là, la l'Ukraine a répété la situation en Géorgie parce qu'il y avait une révolution. Géorgie, elle a libéré de l'État pro-Poutine. Et du coup, Poutine a essayé de influencer la Géorgie en 2008. Et elle a aussi laissé entrer des armées russes. Et à cause de ça, la Géorgie n'aime pas beaucoup Poutine. Et c'est pour ça que, oui, en Géorgie, il n'y a pas beaucoup de gens qui sont très, très heureux que les Russes viennent. Parce que, voilà, il y a cette situation difficile. Et on parlait tout à l'heure justement de toutes ces personnes qui sont arrêtées. Donc parce que du coup, là, pour le moment, évidemment, l'aide va plutôt vers l'Ukraine, ça s'entend, puisque c'est un pays bombardé. Et donc l'aide va plutôt à l'Ukraine. Par contre, il y a quand même donc, des prisonniers politiques en Russie. Et donc vous vouliez éventuellement communiquer des informations, un site ou quelque chose pour que les gens puissent s'intéresser, rester en lien ou avoir des informations et éventuellement soutenir les prisonniers politiques, puisque où qu'ils soient... On est toujours du côté des prisonniers, politique, et contre les violences d'État, évidemment. Oui, il y a plusieurs projets qui aident aux prisonniers politiques. Et le premier, ça s'appelle Goulag Ougnet. Et c'est un média indépendant aussi maintenant, il n'est pas légal en Russie, mais quand même, les gens peuvent le consulter avec le VPN. Et c'est une initiative qui récolte des témoignages des tortures en prison. Et des gens qui sont emprisonnés, qui sont torturés, c'est plutôt des prisonniers politiques. Voilà, ils ont leur site et je crois qu'ils ont aussi la version anglaise. Ça s'appelle Goulag Ougnet, comme Goulag. Et après Goulag, ça, on sait l'écrire. Et après, tu dis quoi? Goulag ou Niet? Niet, ça veut dire non? Ouais, Goulag, Niet. Goulag ou point, point net, c'est ça, non? Genre le hurlet. Alors, on va vérifier. le nom du site. Et sinon, il y a un autre projet qui s'appelle Media Zone. Et eux aussi, ils parlent beaucoup de la violence politique, des emprisonnés. Ouais, ça, c'est un média qui a été créé par Petr Vertilov et Nadia Tolokonnikova, qui sont des membres de Pussy Riot. Et du coup, ouais, ils ont établi ce média et ils ont commencé à parler à l'époque aux inégalités, injustices aux prisons. Mais après, c'est devenu un média qui porte sur... les protestes, toutes les injustices et ouais, toutes les choses qui se passent. Donc ça, c'est aussi un média indépendant. Ouais. Voilà. Donc ça, c'est une source utile. Eh ben, merci beaucoup pour ce témoignage. On espère pouvoir avoir de vos nouvelles. Et vous n'avez rien oublié de nous dire ? De très important, au cas où, n'hésitez pas, parce que des fois on dit « Ah, j'aurais Est-ce voulu que dire quand même que quelque chose ». Vous vouliez parler un petit peu de ce que vous savez sur les résistances en Ukraine, éventuellement, avec les groupes anarchistes là-bas, et peut-être quel lien vous avez potentiellement avec LE Oui, vu qu'un de notre camarade, il a participé dans des associations, enfin des groupes anarchistes en Russie, à l'époque, c'était... encore possible parce qu'aujourd'hui toutes ces initiatives sont coupées dès le début et il y a des gens qui sont des anarchistes qui s'identifient comme anarchistes mais ils peuvent pas le dire, ils peuvent pas se définir comme ça. Oui, c'est plutôt des gens. C'est pas des associations, mais c'est des individus. Mmh. Voilà, parce que sinon, c'est très dangereux. Mmh. Et concernant l'Ukraine, il y a plusieurs groupes avec qui on essaie de collaborer, De faire du lien avec. Oui, de faire du lien et aider avec de l'argent. C'est le Drapeau Noir. Et c'est une organisation internationale qui mène ses actions en Ukraine et Biélorussie. Et sinon, un autre groupe qui s'appelle Action Révolutionnaire. C'est très belle. Oui, ça s'appelle l'Action Révolutionnaire et c'est un groupe anarchiste ukrainien. Ils utilisent plutôt des moyens assez violents du combat. Enfin, ils sont radicaux, mais quand même aujourd'hui, je trouve qu'on doit aider à toutes les initiatives, même si on n'est pas. Enfin, moi personnellement, parfois, pour moi, c'est trop. Violent, oui, ce qu'ils font. Mais aujourd'hui, leur lien avec le gouvernement, c'est juste que le gouvernement les dans l'armée des armes, mais il y en a pas assez, premièrement. Deuxièmement, ils n'ont pas de moyens d'acheter des médicaments et d'autres équipements dont ils ont besoin. Et ils sont nourris par des particuliers, par des gens qui habitent en Ukraine, dans les régions où ils se trouvent. Du coup, ils mangent plutôt bien. Mais également, ils ont besoin de soutien financier pour pouvoir mener le combat. Parce que, comme je disais, c'est vraiment un combat du peuple. Et il y a plein de témoignages du fait que le peuple sort dans les rues en main nue pour arrêter des chars et des soldats de l'armée russe. Et je crois que c'est assez incroyable. Vraiment, j'ai beaucoup de respect et d'admiration pour ces gens-là qui mènent ce combat. Oui, ce qui est intéressant, ce qui justifie en gros le fait que c'est une guerre des peuples, de tout le peuple, vraiment, parce que maintenant les armes en Ukraine, ils se sont distribués librement pour tous les mecs plus que 18 ans, et en même temps il n'y a pas de pillage, et donc les gens qui portent librement les armes et vraiment ne fait pas de ne vole pas de choses, ne fait pas beaucoup de destruction, donc il juste protège des autres gens, et ça c'est vraiment génial à mon avis. Et aussi une initiative qui existe en Ukraine que moi j'aime bien personnellement, parce que il y a même des troupes LGBTQ+, donc c'était aussi fait volontairement par les gens, et moi j'aimerais bien de faire une interview ou quelque chose comme ça avec eux, et j'espère que on va faire aussi on va faire aussi quelque chose avec eux, ouais, et avec des troupes anarchistes aussi, ouais. Voilà. Je voulais juste dire la dernière chose par rapport à la résistance en Russie. J'espère que vous n'avez pas eu l'impression que on a commencé à manifester et montrer notre opposition ouais. qu'après le début de la guerre. D'un côté, c'est pas du tout vrai. Il y a quand même des gens qui ont commencé à ouvrir les yeux sur des choses qui se passent autour, juste parce que il y a des choses tellement horribles qui ont arrivé. Mais la résistance en Russie, ça existe depuis. Je voulais dire depuis toujours. Depuis maman, que moi je suis conscient. Tous mes amis sortent dans les rues au risque d'être violés par la police. Je sais qu'en France aussi, la police elle est assez violente, mais je trouve qu'en Russie, c'est la situation est un peu plus, mais beaucoup plus grave, parce que le risque d'être emprisonné juste pour être sorti dans les rues. Ça existe depuis 10 ans, je trouve. Ouais. Et ouais, voilà, mais il y a quand même des gens qui continuent à le faire, et je les admire aussi, et je les soutiens et je les aime. un salut à tous ceux qui résistent partout, et bravo pour leur courage et leur force de résistance. On fait une petite pause musicale. Merci à vous et merci. À une prochaine. Et puis, n'hésitez pas. Enfin, voilà, on avait envie de parler de ça. Il faut qu'on trouve aussi d'autres gens avec qui partager. Et on continuera à partager ensemble aussi. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous. FPP 106.3, la jungle des luttes. On continue. Petite pause musicale. J'ai connu l'autonomie dans l'Italie, des années de plomb. L'OTA continue à prima ligne, à grève des loyers, occupation. Fils d'exilés, je fais la queue devant les préfectures. Supporter le mépris de certains Français, traitant mon père comme une ordure. Dormi dans des foyers sans la contrat, bossé au noir sans protection et sans contrat. Mon cadavre s'est échoué sur une belle plage de la Côte d'Azur, jeté à l'eau par un passeur devant les yeux d'une rature qui en voulait à mon ossature. Face au pouvoir blanc, j'ai brandi la Wipala en Bolivie, récupéré ma terre spoliée, fier de mon peuple et mon ethnie. Jamais soumis, fier comme Charlie Bauer, courageux comme Salah Hamouri dans les prisons de l'oppresseur. Passé, présent, futur, histoire populaire et culture. Ne jamais oublier, voilà le seul but. Revendiquer haut notre mémoire des luttes. Passé, présent, futur, histoire populaire et culture. Ne jamais oublier, voilà le seul but. Revendiquer fort notre mémoire des luttes. innocent, l'État m'a condamné comme mes frères camarades. 15 ans de tôle parce que des flics pleurent à la barre et devant les caméras. Considéré comme fou, attaché à mon arbre. Éco-warrior, mon combat semble accompli par une espèce humaine minable. Féministe pour l'égalité, j'ai combattu pour mes droits même avec un voile. Maman toutes égales, et si ça plaît pas la cause bien pensante, c'est qu'au fond un consensus raciste se dévoile. Face au silence complice, je me suis révolté dans le ghetto de Varsovie. Spartakiste allemand, faire péter le Reichstag faisait partie de mes envies. Mon leitmotiv, lutter contre l'oubli, coursé par des flics qui se croyaient dans un safari. Je suis mort assassiné à Manta Jolie Tamari. Passé, présent, futur, histoire, populaire et culture. Ne jamais oublier, voilà le seul but. Revendiquer haut notre mémoire des luttes. Passé, présent, futur, histoire, populaire et culture. Ne jamais oublier, voilà le seul but. Revendiquer fort notre mémoire des luttes. Amérindien planqué dans une réserve, j'ai résisté aux assauts du FBI. Refusé les compromis, les trêves, comme le New York Party de la côte est à la West Side. En sueur dans des mines à ciel ouvert, direction le tombeau. Ma résistance les a tous fait tomber de haut. J'ai discuté avec Fanon, décolonisé mon esprit. Vu la fleur se faner, certains de mes frères en ont payé le prix. Convaincu qu'exister c'est exister politiquement, j'ai revendiqué la mémoire de mes parents. Immigrés, ouvriers, clandos et sans papier. Bienvenue dans ma réalité, chômage, exclusion, précarité. Lutte des quartiers populaires à jamais fiers. Sachez que désormais ils sont prêts pour la guerre. Passé, présent, futur, histoire, populaire et culture. Ne jamais oublier, voilà le seul but. Revendiquer haut notre mémoire des luttes. Passé, présent, futur, histoire, populaire et culture. Ne jamais oublier, voilà le seul but. Revendiquer fort notre mémoire des luttes. 106.3, la jungle des luttes, c'est toujours l'émission proposée par le comité de solidarité avec les peuples du Chiapas en lutte. Donc émission en direct, donc jusqu'à 20h30 nous sommes ensemble, on est retransmis le quatrième jeudi de 8h à 9h30 si vous voulez nous écouter, nous réécouter donc si vous le voulez. On avait avec nous avant des copines du comité russophone contre la guerre. Et donc, on a évidemment parlé depuis des Russes, depuis le point de vue des Russes qui étaient, ben voilà, de cette guerre en Ukraine. On est bien entendu solidaire avec tous ceux qui résistent et tous ceux qui subissent les violences policières. Et donc, notamment à Montréal, il y a 26 ans, il y avait un appel à lancer une journée internationale contre les violences policières en la date du 15 mars. Et donc en France, l'appel a été repris. Et donc cette année, il y a le réseau Entraide, Vérité, Justice et la campagne antiraciste et solidarité qui ont été associés pour appeler à une manifestation, comme on le disait tout à l'heure, le 19 mars. Donc c'était samedi dernier. Une manif qui est donc partie à 14h de Châtelet. Et donc on a eu des enregistrements qui ont été faits. Et donc on va vous passer trois enregistrements. Donc le premier, ce sera la prise de parole du réseau d'Entraide, Vérité et Justice au début de la marche, puis une prise de parole de la campagne antiraciste et solidarité, et enfin les revendications du réseau. Donc voilà, on partage avec vous, pour ceux qui n'étaient pas à la manif ou ceux qui étaient en train de parler et qui n'ont pas pu tout écouter pendant ce temps-là alors qu'ils y étaient, on partage ça avec vous. On y va. 19. En 2022, c'est la 26e année consécutive que l'appel du collectif opposé à la brutalité policière de Montréal est lancé pour faire du 15 mars la journée internationale contre la brutalité policière. En France, afin de rompre l'isolement, de dénoncer l'impunité des agents assermentés face à la justice et de rendre hommage aux victimes, les familles de personnes assassinées et les victimes blessées ont répondu à l'appel dès 2011. Elles se sont passées le relais depuis pour faire de la mi-mars le moment de convergence de lutte de toutes les personnes victimes de violences et de crimes d'État. Au cours des années, les marches ont pris différents noms et n'ont pas toujours été initiées par les mêmes collectifs. mais depuis 2018, qu'il pleuve ou qu'il vente, le réseau d'entraide Vérité et Justice, constitué d'une trentaine de familles, de victimes tuées par la police et la gendarmerie, les familles qui ont perdu un proche tué en prison ou suite à des disparitions forcées et de personnes blessées et mutilées par les forces de l'ordre, porte l'organisation de cette journée en association avec des collectifs antiracistes, antifascistes, de personnes exilées sans papier, réunies au sein de la campagne antiracisme et solidarité et de collectifs en lutte contre les violences d'État. Ensemble, nous faisons face aux douleurs infligées par l'État. Nous n'avons pas attendu la médiatisation pour contester, pour constater que la police, la gendarmerie, la prison viole, mutile, blesse et tue. Nos collectifs, ce sont des personnes endeuillées, blessées, mutilées, violées, humiliées, mais résignées à lutter contre ces gouvernements séparatistes en France et ailleurs qui racialisent la société, qui cherchent depuis tant d'années à nous anéantir par leurs discours nauséabonds, leurs politiques racistes, leurs lois liberticides. C'est le cas récemment avec leur loi sécurité globale et leur loi séparatisme islamophobe. La solidarité entre opprimés et réprimés s'est renforcée au gré du temps, permettant d'identifier et d'harmoniser toutes les aspirations et revendications qui animent le combat des différentes familles, victimes et collectifs, au-delà de la seule quête de vérité et justice. Elle a permis aussi d'établir les liens nécessaires entre les différentes formes de violence d'État. Les forces de l'ordre tuent, les frontières et les prisons tuent, le racisme systémique et structurel tue, ce système économique et le changement climatique qu'il provoque tue, l'indifférence tue. La violence n'est pas seulement le fait des individus, elle est le fait d'un système tout entier. C'est ce système de mort que nous souhaitons abolir. Régularisation des travailleurs sans papier qui sont en lutte actuellement. danger. Et nous sommes en danger. Les sans-papiers en danger. La liberté est en danger. La dignité en danger. Et nous sommes en danger. Supprimer le délit d'outrage et rébellion pour en finir avec les procédures abusives, le harcèlement quotidien et le business des outrages. Interdire le harcèlement répressif et judiciaire contre les manifestants. Abroger l'article permis de tuer L435-1 de la loi sécurité publique du 28 février 2017. Qui assouplit et élargit le cadre de la légitime défense. Interdire les techniques d'étouffement, clés d'étranglement, plaquage ventral et pliage. Interdire les armes classées armes de guerre, LBD et grenades, et les pistolets électriques pour la police du quotidien, comme lors des manifestations et dans les établissements pénitentiaires. Interdire les pare-chocages et les courses-poursuites pour de simples infractions routières. Supprimer l'usage systématique des gaz et des lasses en maintien de l'ordre. Fermer les quartiers d'isolement et disciplinaire. Dissoudre les équipes de matons cagoulés, responsables de tabassage et impliqués dans des morts suspectes. Installer des caméras dans les véhicules de patrouille. Contre l'impunité et le déni de justice, créer un organe indépendant pour enquêter sur les plaintes contre les forces de l'ordre et les surveillants pénitentiaires et pour garantir l'indépendance des expertises scientifiques nécessaires. Dépayser systématiquement l'instruction des plaintes contre les forces de l'ordre et les surveillants pénitentiaires. Mettre en place une assistance psychologique systématique pour les victimes et leurs proches et la gratuité des soins nécessaires. Garantir la prise en charge complète par la sécurité sociale et les mutuelles des soins de traitement médicaux nécessaires consécutifs à des violences d'État. Garantir l'audition par le magistrat instructeur de tous les témoins identifiés, leur remettre une copie de leur audition, leur mise sous protection. Garantir à l'accès de tout enregistrement audio et vidéo disponible. Encadrer et engager les responsabilités des médecins intervenant dans les procédures judiciaires. Contre le dénigrement et les violences faites aux sans-papiers. La liberté de circulation et d'installation, la régularisation, la protection automatique dès leur arrivée des jeunes étrangers isolés, la fermeture des centres de rétention, l'abolition des mesures administratives d'enfermement et d'expulsion, notamment au travers des QDF et des IRTF, l'égalité des droits pour tous dans tous les domaines, le droit de vote des étrangers. Enfin, nous exigeons la suspension immédiate des agents mis en cause pour violence ou homicide et leur radiation définitive. La suspension immédiate des agents ayant tenu des propos ou commis des actes racistes et leur radiation définitive. L'abrogation de toutes les lois liberticides. Stop au racisme et aux violences policières, carcérales et judiciaires. Stop à l'impunité. La justice. Paix. 106.3 FPP, la jungle des luttes. Pas de justice, pas de paix. Voilà le slogan qu'on entend et qu'on scande régulièrement. Donc on était 19 mars à Paris. Donc c'était la manifestation contre les violences policières, notamment et les discriminations et le racisme. Et donc, on continue à soutenir toutes ces familles. Et donc, justement, il y a un élo. Oui, on voulait dire un mot sur un peu tous les collectifs qu'il y avait samedi. Et donc, il y avait beaucoup de collectifs du coup du réseau d'entraide Vérité et Justice. Donc, le comité Lamine Dieng, le comité Vérité et Justice pour Babacar. Il y avait aussi Désarmons-les, Justice pour Ibo, Justice pour Clodo, Justice pour Angelo et également Justice pour Cédric Chouvia. Et avec aussi tous les collectifs de sans-papiers, dont par exemple les collectifs de sans-papiers de Montreuil, de CSP 75, de CSP du 20e. et aussi, bien sûr, la marche des solidarités. Et du coup, ce réseau d'entraide, vérité et justice fait une levée de fonds. Et donc, on voulait aussi vous, voilà, vous orienter vers le Hello Asso du réseau voilà, pour soutenir voilà, les frais des familles de victimes de ces violences d'État et de ce racisme systémique. Voilà, pour les déplacements, pour les frais d'avocat, puisque du coup, y a, ben voilà, y a souvent des procès, c'est reporté, etc. Donc, y a énormément de frais. Et donc, ça peut aussi vous permettre bah, peut-être de vous mobiliser aussi à côté si vous ne l'avez pas fait déjà, vu, sachant que, en général, derrière les violences d'État, il y a souvent le racisme aussi. Et donc, voilà, c'est une cause importante, là, aujourd'hui, nous qui sommes là et qui pouvons justement lever la voix tant qu'on peut encore manifester à peu, puisque justement dans cette manif ça a été avec une mobilisation policière évidemment importante. Fort heureusement, finalement ça a quand même pu marcher jusqu'au bout et se finir de façon plutôt festive. Et donc c'est important aussi de se rencontrer aussi dans ces manifestations. C'est l'occasion de partager des moments et de se mettre un peu de baume au cœur, justement. Quand on parlait d'espoir, voilà, ne perdons pas espoir, que l'on avance vers toujours du mieux. La résistance, toujours. Merci de nous écouter encore un petit peu. On n'a pas fini. On va un peu basculer sur ce qu'on peut faire ici aussi encore contre toutes ces grandes entreprises capitalistes qui livrent leur guerre, elles aussi, partout, depuis longtemps. Une petite pause musicale. Le cri des poètes, de ceux qui manifestent, celui des révoltés, le cri des troubles faites, le cri qui les dérange, celui qui les inquiète, celui qui les accuse, celui qui les conteste, le cri qui les empêchera de dormir, celui qui effacera leurs dédains et leurs sourires, le cri des nôtres, celui des anonymes, le cri du peuple, le cri des victimes, le cri strident pour briser le silence, le cri révolutionnaire pour bouger les consciences, le cri de colère des damnés de la terre, et celui des familles à qui ont perdu un frère. La consecuencia, autodefensa, quemar lo amargo, amar creando la resistencia. La consecuencia, autodefensa, quemar lo amargo, amar creando la resistencia. Ruido, yo no quiero estar. Ruido, con el abuso policial. Ruido, silencio sin marginal. Ruido, en esta ciudad. Una noche fría. Si tu loues tes fichiers, si tu bouges tes pistes, leur état d'urgence, c'est pour mieux t'asphyxier, c'est pour mieux te contrôler, c'est pour mieux te fliquer. Et nos espaces de liberté rétrécissent, climat répressif, les lois se durcissent, violence policière, perquise arbitraire, justice à deux vitesses, les taux se resserrent sur, bien sûr, les fragiles et les précaires, sur ceux qui résistent, sur les quartiers populaires. Mais tu l'entends, ouais, il y a des voix qui s'élèvent, des voix qui s'énervent, des voix qui se soulèvent. Fría, todo arderá. ¡Grita! Estaban justo a punto de perder cuando se levantaron a quitarnos el poder. El poder. Estábamos a punto de poder, nos vallaron las alas y perdimos el poder. El poder. Hay muchos intereses que perder, muchos viejos de mierda desde siempre en el poder. El poder. Se ve que tienen miedo de perder, se ve que tienen miedo, mucho miedo de perder. Ahora que la llama se prendió, se ilumina la historia y ya sabemos qué pasó. El viejo tirano regresó con un peinado nuevo y el discurso en un papel. Esto es una serie de terror, máquinas de guerra en contra de nuestro amor. Temen tanto perder el poder, porque saben quién manda dentro en el pabellón. FPP, la jungle des luttes. Voilà, on va finir, donc, comme je vous le disais, avec le côté Mexique, puisque donc, le comité de solidarité avec les peuples du Chiapas en lutte s'est formé en 1995, en solidarité avec les peuples zapatistes qui s'étaient soulevés et qui, donc, depuis ont cheminé et ont réveillé les peuples ici et là, et notamment au Mexique. Et grâce au Congrès national indigène, on a une visibilité sur les résistances de tous les peuples autochtones du Mexique, sachant que les Zapatistes sont situés, eux, au Chiapas, au sud-est mexicain, l'un des États de cette République fédérale. Et donc, on a appris beaucoup de choses avec eux. Et donc, maintenant aussi, grâce aux rencontres avec le CNI et avec toute leur résistance, on est sensible à tout ce qui se passe sur leur territoire, les grands projets, ce qui nous donne aussi à voir ce que nous, on cautionne ici sur nos territoires, enfin pas nous personnellement évidemment, mais les pouvoirs et donc ce sur quoi on peut avoir aussi une influence et ce sur quoi il faut se mobiliser. On vous avait déjà parlé, il y a souvent des caravanes, des mobilisations ou des campagnes. Et donc voilà, il y a Danone est dans l'œil. Dans notre hémicyclone, si on pouvait l'y mettre, parce qu'il était extrêmement destructeur, évidemment, avec ses grands projets. Oui, et le mois dernier, on avait un camarade qui était venu nous parler justement un petit peu plus de ses luttes au Mexique contre Danone, donc cette multinationale française, et qui est présente au Mexique par le biais de sa filiale qui s'appelle Bonafonte. Et du coup, l'année dernière, déjà, on avait eu... voir en fait tous les dégâts que cette multinationale avait causé là-bas, puisque elle exploite du coup les eaux au Mexique, elle assèche des nappes phréatiques, elle cause des dégâts environnementaux assez conséquents et humains du coup bien sûr, avec notamment l'année dernière on avait vu qu'il y avait eu un énorme glissement de terrain, ce qu'ils avaient appelé un socavo dans l'état de Puebla, et donc du coup des peuples et des communautés s'étaient mobilisées pour venir occuper justement l'usine de Bonafonte là-bas. Et l'ont exproprié et on avait fait une maison des peuples. Et le mois dernier, du coup, le camarade nous annonçait qu'il y a quelques semaines, cette maison des peuples a été expulsée. Et donc aujourd'hui, on se mobilise pour faire parler de tout ça et pour les soutenir. Et tu pourras nous parler un peu plus de cette caravane qui va se faire. Mais avant ça, on voulait dire aussi qu'ici, de notre côté en France, pour la Journée mondiale de l'eau demain, On appelle à une petite mobilisation et je peux vous lire ce petit texte qui a tourné et que, voilà, qu'on aimerait faire tourner un peu plus. Donc c'est en cette journée mondiale de l'eau, donc demain, rassemblons-nous à partir de 17h, place de la République, à Paris, pour dénoncer les prédations capitalistes en cours en France, au Mexique et dans le reste du monde sur ce liquide le plus précieux de la planète. Que ce soit en France à Volvic, à Vittel ou avec le scandale des méga-bassines, que ce soit au Mexique avec les saccages de Danone et Bonafont dans la région de Puebla, au Chili ou dans bien d'autres parties du monde, les grandes multinationales et ce système capitaliste assèchent chaque jour un peu plus les terres et les peuples du monde entier et polluent terres et mers de montagnes de plastique. Et donc en solidarité avec les luttes pour l'eau en France, avec la caravane pour l'eau et pour la vie qui sillonnera le Mexique à partir de ce 22 mars et bien d'autres luttes dans le reste du monde, rassemblons-nous, place de la République à Paris. Et on vous dit d'apporter avec vous vos expériences, vos tracts, vos témoignages de lutte et aussi vos bouteilles en plastique vide. Voilà, et est-ce que tu voulais nous dire plus un peu sur l'annonce du CNI qui annonce cette caravane du coup qui partira demain aussi Alors au Mexique quand même, ils sont capables de faire énormément, vraiment quand ils se mobilisent, c'est quand même vraiment une capacité à justement pouvoir organiser une campagne qui va durer des dizaines et des dizaines de jours et donc ils vont se déplacer. Donc ça commence le 22 mars et donc quand c'est une caravane, c'est vraiment, on se déplace vraiment de village et d'état en état et donc là c'est l'occasion justement d'avoir des discussions et que chacun et chacune parle de ce qu'elle est en train de vivre dans sa communauté, donc ce qu'ils sont en train de mettre en œuvre, etc. Donc ça demande une grande logistique. Ce serait vraiment bien que nous, on réussisse aussi des fois à pouvoir faire ça en voyant le voyage pour la vie, l'organisation de l'accueil des apatistes. On est beaucoup moins performants, on manque beaucoup d'espace et de capacité à accueillir. Mais donc là, je pense qu'il va se passer quelque chose d'important encore. Et donc l'idée de cette campagne, de cette caravane, c'est de renforcer les liens donc, entre toutes ces personnes en résistance. Donc ça commence le 22 mars, donc journée mondiale de l'eau, effectivement. Et donc ils vont parcourir donc 9 États du Mexique pendant un mois. Et donc au cours du 13 et du 16 avril, il y aura par contre une pause qui pourra être justement l'occasion d'une campagne internationale virtuelle. Donc une campagne pour l'eau, pour la vie et contre le pillage capitaliste. Donc là, il faudra essayer de regarder de plus près pour les personnes qui sont intéressées. Et donc j'en profite pour vous dire que justement, nous, le CSPCL, on est donc une assemblée ouverte et on accueille les personnes qui seraient intéressées pour partager leur lutte ici et leur lutte là-bas, où que ce soit, et éventuellement aussi prendre de l'information si on peut en donner pour les personnes qui voudraient éventuellement se rendre au Mexique. Si elles veulent aller à la rencontre des apatistes, et ben elles peuvent effectivement nous rencontrer, puisque il y a le moyen d'aller rencontrer les apatistes, mais pas que évidemment, mais sur le territoire zapatiste, il y a comme une sorte de protocole. Et donc, je me suis complètement sortie de la caravane, mais du coup, je me suis dit que j'allais peut-être pas avoir le temps de le dire, et finalement, c'est l'occasion de le dire. Si vous voulez aller voir les apatistes, les apatistes justement se mobilisent pour tout le monde, pour nous tous, et pour eux-mêmes, évidemment, mais ça veut dire nous tous. Et donc, justement, ils ont besoin aussi qu'on continue à se mobiliser pour eux, mais sur le terrain, pour le coup, c'est-à-dire pas tant financièrement, si, ça aide toujours, évidemment, mais surtout pour les personnes qui souhaitent aller au Mexique, ne pas hésiter à prendre le temps d'aller justement prendre le temps d'aller les rencontrer. Il y a des brigades de solidarité, justement, qui s'organisent et qui donc apportent un soutien puisque c'est une présence sur les territoires zapatistes. Et donc, c'est important en termes de... Ça peut dissuader des attaques de paramilitaires ou directes gouvernementales, enfin par le biais de tout un tas de ces polices, par exemple, tout simplement. Et donc, on en profite aussi pour dire que vous pouvez nous rencontrer donc au 33 rue des Vignoles, à Métro Avron ou Buzinval. Et 33 rue des Vignoles, c'est les locaux de la CNT qui nous met à disposition une salle depuis donc, février 1995. Et donc, c'est à partir de 20h30, le 1er, 3e et mercredi du mois. Donc, n'hésitez pas à nous rencontrer puisque ben voilà, faut que la lutte continue, il faut être nombreux. Parce que le chemin est long à parcourir et j'ai perdu toutes mes petites informations sur la caravane plus précise. Mais enfin, je vous ai donné l'importance et qu'en tous les cas, il y a caravane.pueblosporlavida.org. Vous pouvez vous connecter là-dessus si vous voulez suivre cette caravane. Et puis, il y a aussi ben voilà, à Volvic, il y a une mobilisation importante puisque Volvic, c'est quand même... ben voilà, comme son nom l'indique, c'est l'eau Volvic qui donc est une ben, fait partie des scandales de méga entreprises, business, etc. Donc ben voilà, eux aussi font partie. Il n'y a pas que Danone, il y a voilà toutes ces autres entreprises multinationales qui font leurs dégâts. Et donc il y a ben voilà l'importance de pouvoir être mobilisé. Et donc ben voilà, c'est l'autre chose, c'est éventuellement de continuer à participer à ce voyage pour la vie. Pour ceux qui n'ont pas pu rencontrer les apatistes, ben c'est l'occasion de continuer à nous rencontrer puisqu'on est ici en lutte et en résistance. Donc il y a une assemblée en Île-de-France qui rassemble plein de collectifs, mais tellement peu par rapport à tout ce qu'on est. Et donc voilà, je ne sais pas exactement comment on peut inviter exactement, je n'ai pas trop les coordonnées, de là où les gens pourraient un peu avoir des informations sur cette assemblée qui a été un temps une coordination au moment de la présence même des apatistes sur notre territoire. Là maintenant, l'idée, c'est de continuer ce voyage sans les apatistes et donc bon, bah, de sortir de la structure coordination qui devait vraiment coordonner justement l'agenda et puis les événements. Mais donc voilà, l'idée, c'est un peu qu'on devienne une sorte d'assemblée ouverte ou de rencontre, un espace de rencontre, de lien. Ouais, bah là, du coup, on est en discussion là-dessus. Quoi. Que faire de cet espace-là et qu'est-ce qu'on va en faire, comment on va continuer le voyage au-delà de leur arrivée aussi, et voilà. Comment ils peuvent nous rejoindre. Bah oui, donc du coup, ça, il faut qu'on le clarifie. Mais en tout cas, si vous voulez plus d'informations, déjà, nous, en tant que CSPCL, vous pouvez nous contacter et puis on va vous rediriger sur les listes mail ou sur notre prochaine réunion. Du coup, on appelle ça coordination, mais ça changera sûrement de nom. Et jusqu'à maintenant, on se réunissait tous les deuxièmes week-ends du mois. Voilà, donc a priori, ça sera le cas encore en avril. Et on regardait du côté de nos camarades de Zaclay pour la prochaine réunion, parce que notre but, c'est aussi de rencontrer en fait et de découvrir une lutte à chaque nouvelle réunion, de découvrir un lieu en lutte, puisque en fait les apatistes ont pris le temps de le faire, parfois 5 heures d'affilée pour chaque collectif, chaque lieu. Or, nous-mêmes, après s'être organisés pendant plus d'un an, tous et toutes ensemble, on ne se connaît pas forcément aussi bien que les apatistes ont pu le faire pendant leur voyage. Donc maintenant, le but, c'est de faire la même chose entre nous et ainsi de pouvoir mieux s'organiser et voilà. Voilà, si vous voulez rencontrer le CSPCL et puis derrière peut-être voyager dans ce voyage pour la vie, c'est donc, je vous le rappelle, 1, 3 et 5e mercredi du mois à 20h30, 33 rue des Vignoles. On a un site, c'est CSPCL.ouvaton.org. On a normalement accès à nos émissions de radio également. Il y a un blog qui s'appelle La Jungle des Luttes, qui n'a pas été alimenté depuis le Covid, mais on a les émissions, normalement, quelques-unes ont pu être mises, il me semble, sur le site, dans les dernières. Donc, voilà, merci d'écouter FPP. On continue à être solidaires avec FPP et toutes les autres luttes. Et voilà, on vous écoute la prochaine fois. Enfin, vous nous écouterez la prochaine fois si vous le voulez bien. Et puis, il nous manque une ou deux minutes. Bon, on met un petit bout de musique. Et puis après, on enchaîne avec notre hymne apatiste. Puis sinon, on met deux hymnes apatistes à la suite. Voilà, je vous remercie. c'est cspcl.ovinto.org. On remercie Véro pour la technique et Clo-Clo pour sa participation. See?